AXA, premier assureur des pros. Tu sais ce que c'est un Covido ? Pas moi non plus. Mais ma sœur, elle a un salon d'esthétique et c'est plus technique qu'on croit. Soutenir sa sœur, pour Jordan, ça coule de source. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA, plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr, étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Mes problèmes avec le pouvoir ont commencé à ma naissance. Parce que je suis née kurde, mais que j'ai été enregistrée avec une identité turque. Je suis donc de nationalité turque, mais je suis kurde. Mon premier trouble remonte à l'école, où je me suis trouvée face à une langue que je ne connaissais pas. Comme si la langue kurde n'existait pas, les Kurdes n'existaient pas, et que je devais être mise sur un droit chemin. Cela a été un grand bouleversement, et j'ai alors commencé à me questionner. Passage d'une nébuleuse. Chute de la lumière minérale des villes. Ô veilleur des étoiles. Je n'ai pas émigré. J'ai laissé derrière moi la blessure du récit. Et derrière mon ombre, les doigts brisés de l'enfant révolté. Sha'arun fil manfa. Sha'ar poète fi en al-manfa exil. On ne peut pas séparer l'écriture de son lien avec la politique, particulièrement en Iran où tout ce que vous faites est politique. Même le repas que tu poses à table est en lien avec la politique. Donc tu ne peux pas écrire et être apolitique. Les tyrans lisent aussi les poètes. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Anne Pérez. La plupart des poètes en Syrie étaient surréalistes avant la guerre, sur toute la poésie syrienne. Qui était écrit depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, évidemment il y a un changement, parce que toute la vie syrienne a changé. Le pays est détruit, donc la langue a changé, les sujets ont changé. La langue arabe est très engagée par rapport à les métaphores. Et pendant la guerre syrienne, les poètes n'ont plus d'envie d'écrire ce style, parce que qu'est-ce que voir un enfant tué dans la rue ? C'est pas seulement une métaphore, et on devient fou, c'est pas seulement on devient cette poésie, elle devient claire, simple et très forte, pluraliste. La poésie a de fervents lecteurs. Dictateurs africains, despotes asiatiques ou du Moyen-Orient. L'autocrate n'aime jamais tant le poète que lorsqu'il se tait, mort ou séquestré. Il peut même parfois le citer afin de s'acheter à bon compte une part d'humanité. Alphonse de Lamartine rappelait que contrairement à l'orateur politique, le poète remue ce qui est impérissable dans la nature et le cœur humain. Quant à l'homme politique, lui, il ne brasserait que passion, principe, intérêt passager. C'est pourquoi le poète, qui ne redoute rien tant que de trahir l'histoire, a toujours été un caillou dans les bottes de ceux qui rêvent de se voir édifier des statues. De la Turquie à la Chine, la carte des poètes persécutés n'est pas moins dense aujourd'hui qu'hier et reste difficile à dresser. Soulignons le cas récent du journaliste et poète guinéen Adama Diané, 25 ans, menacé de mort après avoir critiqué le gouvernement sur une radio locale. Ou celui de l'une des grandes voix de la poésie ouïghour, Chimengu Lahout, enfermé depuis bientôt 2 ans dans un camp d'internement chinois à Rajgar pour avoir réédité Le Chausson d'Or, un texte pourtant approuvé par le gouvernement de Pékin. L'un des cas les plus préoccupants reste celui du poète palestinien Ashraf Fayad. En 2013, il est arrêté en Arabie Saoudite pour blasphème et apostasie. À 33 ans, il est condamné à la peine de mort. Sur la table du juge, son recueil de poèmes, instructions à l'intérieur. Ashraf Fayad, leitmotiv strident de la patrie. Tu démentiras toutes les informations, les revues de presse, les analyses des spécialistes en dernier cri de la mode. Tu n'abuseras pas du sommeil et du téléphone portable. Tu t'exerceras un peu à la mort. Ça a commencé en 2013. Abdelatif Labi, poète et traducteur d'Ashraf Fayad. Ashraf Fayad est un jeune poète et plasticien aussi, peintre, qui a émigré avec sa famille de Gaza vers l'Arabie Saoudite. Et il a été surpris dans un café, dans une ville d'Arabie Saoudite, à parler très librement de religion. Donc ça a été rapporté, il a été arrêté. Et on l'a accusé de blasphème. Malheureusement pour lui, il avait publié aussi un recueil de poèmes avant cet incident, qu'il a publié à Beyrouth, qui a été lu par ceux qui vont condamner Ashraf Fayad. Et ils ont estimé qu'il était blasphématoire, qu'il propageait des idées d'apostasie. Ce qui, dans la législation de l'Arabie Saoudite, dans l'islam rigoriste, est passible de la peine de mort. Donc il a été arrêté, jugé d'abord à 4 ans de prison. Ensuite, disons, la cour a estimé que ce n'était pas suffisant. Ils ont refait le procès, il a été condamné à mort. Alors à la suite de cela, bon, il y a une mobilisation qui a commencé à travers le monde, en France et ailleurs. Beaucoup d'associations d'écrivains, le Pen Club, de Amnesty International, enfin... Tout cela a abouti, malgré tout, il y a 3 ans que le procès soit révisé. Et donc, il a été condamné finalement à 8 ans de prison, à 800 coups de fouet. Alors, ce qui fait que bon, aujourd'hui, il a passé 6 ans de sa vie en prison. Il a déjà reçu 600 coups de fouet. Il lui reste 2 ans à passer encore et 200 coups de fouet. Tu te débarrasseras de toutes les photos que tu as gardées de ton enfance, de ton adolescence, de ta pauvreté, de ton ex-aimé, des contes de ta grand-mère et de tes virées nocturnes pour t'attaquer à certaines prétendues vertus. Tu utiliseras de l'eau chaude pour ta douche et te laveras les pieds chaque fois que tu ôteras tes chaussettes. Tu feras tiennes les expériences de ceux qui viendront après toi. Tu écriras ton nom à l'envers sur le miroir et laisseras le reste à ceux qui méritent plus que toi, ta bouche trempée dans le pétrole. Je crois que c'est une poésie fille de l'enfermement. C'est une poésie de l'extrême solitude. Elle ne cache rien du désespoir. Elle ne cache rien du dégoût, je dirais même parfois de la haine des bourreaux. Un des paradoxes, vous voyez, par exemple, avec les conditions très dures dans lesquelles il vit, mais malgré tout, il arrive à évader, ou à faire évader un certain nombre de textes. Bon, il y a une sorte de rancune, malgré tout, d'État, rancune de religion aussi, ou de foi, qui pèse sur lui. Bon, c'est une protection pour lui. Vous savez, c'est le statut de la poésie dans le monde arabe est très, très spécial. Le poète est un peu redouté, malgré tout. C'est pour cela qu'on essaye aussi de le bâillonner, mais on redoute aussi sa parole. On avait un espoir lorsque, il y a 1 an, je crois, le prince était en visite officielle en France. On avait introduit auprès du président de la République une requête pour que le cas d'Ashraf Fayad puisse être évoqué avec le prince saoudien. Le fait est que ça ne s'est pas fait. Ça n'a rien changé à la condition d'Ashraf Fayad. Et c'est ainsi qu'a parlé le seigneur de la tribu. Celui qui possède du pétrole et couvre ses besoins en suçant le sang de ses dérivés est bien meilleur que celui qui allume ses yeux pour faire du cœur un dieu. Vous pouvez nous expliquer, Hélène Amblès, où est-ce qu'on va ? Donc, nous allons à la Villa Bloch, qui est un nouveau lieu de résidence d'artistes qui a ouvert ses portes en début 2019. C'est un lieu de résidence qui a pris place dans l'ancienne propriété d'un écrivain et intellectuel engagé du début du XXe siècle, qui s'appelait Jean-Richard Bloch. Et donc il y a un espace qui est l'ancienne petite maison du gardien qui nous permet d'accueillir un auteur qui ne peut plus créer librement dans son pays d'origine. On a adhéré à un réseau international qui s'appelle ICORN, le réseau des cités refuges. Il y a environ 75 villes dans le monde qui en font partie. Donc maintenant il y a aussi Poitiers. Et donc on accueille un jeune poète iranien qui s'appelle Mohamed Bam avec sa famille. Il a une jeune épouse et 2 enfants et donc nous les accueillons pendant 2 ans au sein de la villa. C'est là, ouais. Tes bras enlacent ma solitude. À l'ombre, la mort à présent peut me foudroyer. Plus rougeoyante que le soleil couchant d'Arvan. Plus ardente que la contrée d'Abadan. Mohamed Bam, détenu durant 4 mois en Iran, arrivé en France en 2019. Nous avons eu la chance de sortir d'Iran de façon légale. Nous avons pu passer la douane et arriver en Turquie. 3 jours plus tard, mon avocat m'apprenait que je venais d'être condamné à 1 an de prison ferme. La décision de partir fut très difficile à prendre, car je suis très attaché à ma famille et à mes amis. Quand j'écrivais un poème, il y avait toujours un ami pour le lire, un chanteur pour l'interpréter, et j'ai perdu tout cela. Le problème est que beaucoup de gens en Iran, pour la plupart des partisans du régime, nous reprochent d'être partis. Ils disent « Vous avez fui le pays, vous vivez tranquillement à l'étranger, vous n'avez donc plus rien à dire sur la situation du pays. Mais de notre côté aussi, notre vie a ses difficultés. Mes parents peuvent perdre leur maison là-bas, et je ne sais pas ce qu'il va advenir de nous. Je suis dans l'inconnu, que ce soit ici ou au sujet de ce qui se passe en Iran. » Je ne regrette rien de tout ce que j'ai fait pendant ma vie. Évidemment, d'abord, j'ai souffert beaucoup à cause de mes décisions. Omar Youssef Souleymane a fui la Syrie en 2012. Il a alors 25 ans. Et j'ai souffert financement, j'ai souffert pour que tout le monde était contre moi, j'ai souffert de la solitude, j'ai souffert que mon père, surtout quand j'ai annoncé à tout le monde que je suis vraiment athée, je suis bleu croyant, c'est un très grand problème contre une famille pratiquante en Syrie. Mais j'avais besoin de faire ça, j'avais besoin de vivre ma propre révolution. D'ailleurs, moi j'étais éduqué dans une famille salafiste, très croyante, pratiquante. Mais en même temps, elle était très intéressée par rapport à la poésie, surtout la poésie ancienne dans le monde arabe. Et on était obligé, par exemple, de prendre certains poèmes longs qui étaient écrits avant l'islam, ce que l'on appelle al-mu'allaqat, par cœur. Ça m'a beaucoup aidé d'être basé vers la poésie, ou découvrir la langue poétique. Depuis quand j'étais petit, je crois que j'avais de la chance. Et je passais tout le temps à lire. Et vraiment, je vivais avec ces poètes. Soit des poètes arabes anciens, surtout Al-Mutanabbi, Al-Ma'arri, c'est un poète syrien d'Idleb, de la Syrie. Et Paul Éluard, c'était le... Alors, Al-Ma'arri, pour moi, c'était le poète philosophe profond. Et Paul Éluard, c'était le poète rebelle et libre. Quand j'ai lu le poème Liberté, par exemple, j'étais vraiment très petit, j'avais 12 ans, et j'avais l'impression que Paul Éluard est toujours vivant. Donc, je rêvais de le rencontrer. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et des arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. En fait, peut-être tu vas être étonné, mais le moment aussi le plus important qui a changé ma vie personnelle, c'était quand j'étais au pèlerinage à la Mecque. J'avais 17 ans, j'étais tellement croyant, je rêvais d'aller au paradis, même j'étais très attaché par rapport à l'idéologie d'Oussama Bin Laden et d'Al-Qaïda et les islamistes en général. À la base, je rêvais de faire un attentat pour aller au paradis. Sauf que pendant le pèlerinage, j'ai passé des moments de paradoxe tout le temps. Parce que, autant adolescent, qui n'a vu aucun visage d'aucune femme pendant 12 ans, avant d'aller au pèlerinage, sauf le visage de sa mère et son assistante, là-bas, dans cette ville sacrée pour tous les musulmans, c'est la seule ville en Arabie Saoudite où les femmes n'ont pas le droit d'être masquées. Et du coup, j'étais tellement étonné de regarder des milliers de visages des femmes de toutes les nationalités, et j'ai profité beaucoup de ça. Autant ado, sauf que j'étais dans la ville sacrée, c'est-à-dire c'est la ville la plus proche d'Allah, sauf que j'étais le plus loin d'Allah, et on n'arrivait pas de me contrôler. Donc c'était, je peux dire, c'était le moment de basculer. Et une autre raison pour laquelle ça m'a changé, ce moment m'a changé, Je me demandais tout le temps, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi on fait l'aller-retour entre deux pierres? Ça sert à rien. Pourquoi on monte dans une montagne pour être plus proche à Allah? Et on a payé une fortune pour faire ça. Parce que je suis allé avec mon père et mon grand frère. Donc, il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de questions à l'intérieur de moi. Et j'avais besoin des réponses. Sauf que ni la religion, ni les imams m'ont donné cette réponse. Donc, j'ai relu le Coran à nouveau. J'ai relu le texte, le hadith. Et grâce à cette nouvelle lecture, je suis devenu un athée. معبر من سديم وأضواء البلاد أحجار أرض يا حارس النجوم أنا لم أهاجر تركت ورائي جرح الحكاية ووراء ظلي أصابع أطفال بدور رائحة البارود على معدن الليل وأنفاس أمي تشتعر لا تفزجني أيها الحارس Je vais avoir 31 ans le 31 janvier. Nazanine a 3 ans, 3 mois et 3 jours de moins que moi. Quant aux enfants, ils ont 4 et 6 ans. Ils apprécient d'être ici. Nous souhaitions qu'ils soient élevés ailleurs qu'en Iran, parce que la propagande pour la République islamique commence dès l'école. Le problème de fond reste l'intrusion de la religion dans la politique. Nous ne voulons pas de cela. Si vous mêlez la religion à la politique intérieure ou extérieure du pays, cela affecte la façon dont sont traités les protestataires, le système judiciaire, la politique des affaires étrangères. Cette intrusion de la religion dans la politique n'est même pas basée sur des textes religieux. Ce ne sont que des principes théologiques dictés par Khomeini, auxquels certains hauts religieux n'accordent même aucun crédit. En moi, cette affliction misérable, comme la solitude après une libération, comme la froideur d'une tristesse sidérée, du premier matin, du prélude glacial. Je m'entortille dans mes chagrins. Cette longue nuit en moi s'étire. La promesse reculée de notre union, est-ce la prouesse de Dieu ou du démon? Adossée à mon insignifiance, en moi la diablerie de Dieu, jusqu'à l'éternité je fixe le mur et la trajectoire noire des fourmis. Je suis aussi venu ici pour écrire, et je ne peux pas nier qu'au cours des premiers mois, je n'ai pas beaucoup travaillé. J'avais l'esprit totalement encombré par des problèmes à régler et je n'avais pas la tête à la poésie. Ces derniers temps, je me suis un peu retrouvé et j'ai pu reprendre mon travail poétique. J'écris aussi le récit de mes deux arrestations et de mes séjours en prison. Zehra Doğan, 30 ans, emprisonnée en Turquie durant 600 jours et libérée en février 2019. Pour moi, la poésie est une arme. La poésie peut exprimer toutes les métaphores en un mot. La poésie peut exprimer beaucoup de choses d'un tiers. Il n'y a nul besoin de remplir des pages entières, ni de longs discours politiques. C'est comme une peinture. Un seul coup, sincère et fort. 26 juillet 2017. Prison de Diyarbakir. Cher Naz, aujourd'hui, tes lettres 14 et 15 sont arrivées. Comment as-tu pu écrire tous les jours sans te lasser? Je puise des forces de ton affection. Je ne veux plus reporter mes rêves. J'en ai assez d'attendre ici l'avenir. C'est comme si nous étions un peuple maudit. Ni enfance, ni jeunesse. Ils ne nous ont rien laissé vivre. Si on nous le demandait, c'est peut-être nous qui décririons le mieux le bonheur, tant nous en avons faim. La vie est dure, mais si tu es kurde ou si tu appartiens à un peuple opprimé de n'importe quel pays, la vie est 10 fois plus dure. À force de voir la mort, de perdre régulièrement des proches, j'en suis arrivée à la désirer. Comprends-moi bien, je ne suis pas désespérée. Je n'ai pas perdu la raison non plus. Mais je connais l'odeur du sang. Et je hais cette odeur. Je la respire continuellement. Des dizaines d'enfants sont morts devant mes yeux. Et moi, je n'ai rien pu faire. Personne n'a rien pu faire. Nous nous sommes habitués à la mort. Existe-t-il une chose pire que cela? Je ne sais pas. Peut-être est-ce à cause de la chaleur que je suis un peu malheureuse aujourd'hui. Dessine-moi des fleurs dans tes lettres, d'accord? Et envoie-moi aussi des photos, mais pas de paysages. Elles sont interdites. Observer la nature, même sur un bout de papier, est interdit ici. Nous allons nous retrouver, c'est certain. Et je pense qu'un jour, nous vaincrons. Bence şiir bir silahtır zaten çünkü bütün metaforları tek kelimeden buluşturuyor. Yani çok şey söylemeye gerek kalmıyor tek vuruşta. Je ne peux pas dire que les poètes jouent aujourd'hui un rôle prépondérant, mais leur influence existe. Par exemple, les chansons de Chiwan Perwer sont celles que nous aimons le plus. C'est avec elles que les gens prennent la route de la guérilla, vague après vague. Yani şu an çok büyük bir öncülük. Et ces chansons sont la plupart du temps des poèmes de Jay Gerwin, qui est l'un des plus importants poètes de l'histoire kurde. Mon père a caché pendant des années les cassettes de Jay Gerwin dans la carrosserie de sa voiture. C'était tellement important. Le fait de se faire attraper avec des poèmes de Jay Gerwin était plus dangereux que de se faire prendre en possession de drogue. C'était une prise de risque, avec d'importantes condamnations. Ces interdictions ont été levées récemment. Pendant des années, les gens ont écouté ces poèmes en cachette. Ils les ont recomposés secrètement. Ils ont essayé de rester debout grâce au soutien de la poésie. Elle joue un rôle important dans le dynamisme de la lutte kurde. À nouveau sur mon lit de marbre, je m'allonge sur des étendues inconnues. C'est un air chanté, cette douleur aiguë, derrière des portes qui ne s'ouvriront peut-être jamais. Je brûle de l'envie d'une vie qui ne sera peut-être jamais goûtée. Peut-être les rêves n'ont-ils jamais été vécus. Giderek daha çok dozajını yükseltti devlet ve artık tanklarla, toplarla ve uzun namlulu silahlarla insanlara saldırmaya başladı. Nous connaissons la Palestine, Gaza, mais en 2015 et 2016, il s'est passé des choses très très graves dans le sud de la Turquie. 2015 ve 2016 yılında benim gözlerimin önünde yüzlerce insan. Des centaines de personnes ont été tuées devant mes yeux. Yüzlerce insan. Des centaines de personnes que je connaissais. Binlerce insan, yani orada o kentlerde bildiğim kentlerde. Des centaines de milliers de personnes ont été obligées de s'exiler. J'ai vu cela de mes propres yeux dans les villes où je me suis rendue. La Turquie a modifié ainsi la démographie d'une vaste région. Au mois de juillet 2016, j'ai réussi à sortir de la ville de Nusaybin, mais j'ai été arrêtée par la police une fois arrivée à Mardin. J'ai été incarcérée pour avoir relayé sur Internet les propos d'une fillette de 10 ans qui vivait à Nusaybin sous les bombardements. Elle racontait que les chars bombardaient les maisons. J'ai également été arrêtée pour avoir dessiné la ville de Nusaybin détruite. Mon dessin partait d'une photographie représentant Nusaybin, où je suis restée pendant un an, ravagée par les bombes. Une grande partie de la ville, très exactement 6 quartiers ont été détruits. Ce ne sont pas quelques rues, mais 6 quartiers détruits, brûlés. Ils avaient accroché sur ces ruines des drapeaux turcs. Les militaires avaient encerclé les ruines avec des véhicules blindés. Ils ont pris cette photographie. Quand je l'ai vue, elle m'a beaucoup affectée, parce qu'ils accrochaient des drapeaux turcs dans leur propre pays. Ce qui voudrait dire qu'ils occupent leur propre pays, ou bien que cette région ne fait pas partie de leur pays. J'ai dessiné exactement la même situation que sur la photographie. Le juge m'a dit « Tu as dessiné Nusaybin détruite. » cette ville détruite n'existe pas. Cela ne s'est pas passé. En plus, tu as jeté des drapeaux. Les militaires n'ont pas fait cela. En agissant ainsi, tu incites le peuple à la haine. Et il m'a condamné. Ainsi, j'aurais incité les gens à se rebeller. En tant qu'artiste, je dépassais selon lui les limites de la critique. Beni cezalandırdı. Yani insanları ayaklandırmaya çağırıyormuşum. Ve eleştiri sınırını da aşarak bunu yapıyormuşum. Le juge m'a donc condamné à 2 ans, 9 mois et 22 jours de prison. J'étais un correspondant à Homs pour les accidents, les crimes. C'était pas d'auto-littéraire. Sauf que j'écrivais aussi dans un autre journal des articles hebdomadaires autour des lectures de livres. J'avais ce travail pour gagner ma vie, parce que ma famille m'a jamais aidé après le bac. Mais en Syrie, ça m'a créé des problèmes plusieurs fois avec les services de renseignement. À chaque fois, quand j'écris un article qui critique un détail, on vous invite pour boire un café. Il faut y aller. Il ne nous dit rien. Pourquoi il nous invite? Et on ne sait pas quand on va sortir. C'est-à-dire, il y a des gens qui entrent là-dedans et ils ne sortent jamais. Soit ils sont torturés, soit ils sont emprisonnés pour 5 ans, 1 an, 12 ans. Et à chaque fois, quand je suis invité pour ce café horrible, j'étais humilié. Par exemple, une fois, j'ai écrit un article sur l'administration de l'université de Homs. Vous imaginez l'administration, c'est rien. J'ai été accusé autant quelqu'un qui faiblit la nation parce que je critique l'administration de la département de la langue arabe à l'université de Homs. Mais à chaque fois, quand j'avais une soirée, par exemple, de poésie, il y a un agent pour les services de renseignement, il vient, il s'habille comme nous, en civil, etc. Il me pose beaucoup de questions. Après, il lit mes poèmes avant la lecture pour accepter ou refuser. C'est un soldat qui est presque analphabète. C'est lui qui va décider ce que je dois lire pour une soirée de poésie. Donc ça, c'est des exemplaires d'un pays opprimé par un régime fasciste depuis à peu près 50 ans. Que nous manque-t-il pour refaire la mer? L'écho de ton souffle couvre le temps. Autour de nous, ni tueur, ni victime. Autour de nous, seulement le ciel, à nouveau éveillé. Comme tous les jours, je bois mon café en attendant les mots. Après le départ du tyran, j'écouterai les pas de mon père au bout du couloir de la vie. J'ouvrirai les fenêtres pour toucher la distance qui a grandi dans mon cœur. Rien n'aura changé. En 2011, c'était un moment bouleversant dans ma vie, parce que c'était le moment de la première manifestation qui était le 15 mars 2011 à Damas. Mon travail dans la révolution, c'était filmer les manifestations et filmer les cadavres dans une époque à Homs, parce que je logeais dans un bâtiment à la vieille ville. Donc mon travail, c'était faire des reportages autour de tout ça et organiser des manifestations. Ce qui a changé pendant un an à peu près, de mars 2011 jusqu'à mars 2012, je n'ai écrit aucun mot de poésie ou de la littérature en général. J'avais l'impression qu'il y a d'autres choses encore beaucoup plus importantes de l'écriture. C'est sauver le pays, avoir notre liberté, avoir un pays démocrate, lutter dans notre propre territoire. Vous imaginez, en Syrie, on n'avait jamais le droit de créer liberté ou vivre comme des citoyens humains depuis l'année 63, depuis quand le régime a appliqué l'état d'urgence. Et créer liberté à Damas, c'était pas seulement un rêve, mais c'était un mythe. C'était quelque chose d'incroyable. On a vécu pendant quelques mois, surtout entre mars 2011 et septembre 2011, un sort d'égalité incroyable, un sort de joie incroyable aussi. C'est-à-dire, comme il y avait un danger, on sait bien qu'est-ce qui est ce régime, à quel point il est fasciste. Donc tout le monde est devenu solidaire entre eux. Parce qu'on ne savait pas si on va rester vivant jusqu'au lendemain ou pas. Et aussi, ce qui était remarquable, que la société syrienne est devenue tellement vivante face à ce régime, parce que dans le danger, je crois, on peut être vraiment très vivant, malgré tout. J'avais l'impression que je n'ai rien à perdre parce que c'était un grand rêve. C'était le grand rêve. Mais ce rêve, malheureusement, est devenu un cauchemar. ماذا ينقصنا لنعيد خلق البحر صدى أنفاسك يغطي الزمان وحولنا ما من قاتل ولا ضحية. Pour moi, tout a vraiment commencé au moment du mouvement vert de 2009. C'est là que j'ai utilisé le langage poétique pour exprimer à minima ce que je désirais dire sur les conditions de vie et la politique en Iran. Ces événements ont produit un bouleversement en moi qui m'a poussé à réfléchir autrement. La poésie est devenue un outil. Peut-être qu'avant cela, elle était un jeu, une sorte de loisir, que je lisais à ma mère afin qu'elle m'encourage. Mais après 2009, mon travail d'écriture a dépassé le cercle familial pour aller vers la société. Nous, debout en équilibre sur le ruban des larmes d'une femme, nous, debout plantés pieds nus dans la boue d'un cloaque, nous, debout tous deux sur la terre de notre patrie, le dernier instant passé à l'unisson dans le cadre. Traverser les rues glaciales aux entremêlements de la nuit, traverser les yeux clos, des tréfonds de la froideur au bouillonnement de la fièvre, avec sur mes lèvres, si seulement un jour un homme pouvait t'emporter, dans des boîtes de terre, je t'ai enseveli. Lorsque j'ai écrit ce poème qui voulait exercer une influence sur la société, je ne pensais pas que j'allais être obligé de m'exiler. Avant ma première arrestation, j'avais reçu des alertes. Quelqu'un que je ne connaissais pas disait à mon père, dis à Mohamed qu'il fasse attention avec ses poèmes, à ce qu'il dit sur scène lors de tels festivals. Lors des interrogatoires, on vous met votre poème sous les yeux. Toutes les conversations que vous avez eues avec votre portable ont été transcrites et imprimées et sont posées devant vous, ainsi que tout ce que vous avez publié sur les réseaux sociaux. Ce sont autant de charges contre vous. Ils te disent « ce vers dans ton poème est une critique du régime ». La détention fut difficile à vivre, car j'ai été mis à l'isolement à 4 reprises. Ils venaient me chercher en cellule, puis me mettaient un bandeau sur les yeux. Ils m'emmenaient dans une cellule 4 fois plus petite que la pièce où nous nous trouvons. C'était bien plus dur et mon rêve était de retourner dans une cellule normale. J'ai pris la décision de quitter Abadan après ma sortie de prison. J'ai loué une maison à Téhéran parce qu'après ma première libération, nous avions l'impression que l'on nous surveillait tout le temps. 3 février 2019, prison de Diyarbakir. Naz, tu sais qu'une grève de la faim a cours dans la prison depuis l'appel de Leila Guven. Je voudrais te parler de quelques-unes de mes amies qui ont rejoint cette action. Menal Temel et ses cheveux bruns bouclés est une révolutionnaire, toute fine et toute jeune. Elle a rejoint la lutte dès l'âge de 15 ans. Elle est de Kizilitep, du même pays qu'Ugur Kaymaz, assassinée par la police à 12 ans de 13 balles. Les enfants grandissent tôt sur ces terres, où ils sont abattus comme terroristes. Şiddet sadece fiziki şiddet değildir. Mesela benim de resim malzemelerimi el koydular, resim malzemelerimi vermediler. Aynı zamanda yaptım. La violence n'est pas seulement physique. Ve ben bunu pendant 2 ans, j'ai essayé de produire en cachette. Gizli gizli yapmaya çalıştım. Bir ressamın, bir sanatçının orada kendi empêché d'avoir du matériel et m'ont confisqué mes dessins. Kötü bir şey olamaz. Ve sürekli gözlerinin önünde. Il n'y a pas pire pour une artiste que de pratiquer son art en cachette. Eserlerin imha edilmesi çok kötü bir işkencedir zaten. Benim mesela, et le fait que son travail soit détruit devant ses yeux est une torture. Şiirdi çünkü La poésie m'a permis de tenir debout pendant mon emprisonnement, parce que les chansons étaient interdites. Nous avons une radio, mais les quelques chaînes diffusées étaient remplies de publicités et de mauvaises chansons. C'est pour cela que la poésie a joué pour nous un rôle si important. Bizim dinlemek istediğimiz şarkılardan değildi. O yüzden en çok tutsakları şiir ayakta tutuyordu. Prison de Diyarbakir. Nursen Tekin embaume la fleur innocente du mont Sumbul. Elle est de Hakkari. En prison depuis 11 ans, elle a été arrêtée à l'âge de 18 ans pour appartenance et haute responsabilité au sein de l'organisation. Comme elle a grandi sur les flancs du mont Sumbul, elle ressent les parfums des fleurs mieux que quiconque. Si vous tendez l'oreille, vous entendrez sûrement Nursen murmurer, certaines nuits, devant la fenêtre à barreaux, le poème de J.K. Rowling, le marchand de roses. Özellikle Kürdistan coğrafyasında bence kadının yeri çok bambaşka. La place de la femme est différente. Parce qu'il y a une résistance menée par les femmes au Rojava. Kadınlar yapıyor. Yani ilk defa Orta Doğu coğrafyada kadın devrimi diye bir devrim başlatıldı ve bunun öncülüğünü Kürt kadınlar yaptı. Depuis les années 90, il existe une très importante résistance des femmes. Bu yana çok çok önemli bir kadın direnişi gerçekleştiriliyor. Sadece kimlik mücadelesi değil. Les femmes mènent en même temps que la lutte pour l'identité kurde. Une lutte de genre. Grâce à leur lutte, les Kurdes ont acquis la conscience de genre et sont entrés dans une nouvelle ère. Yeni bir döneme başladı bu sayede Kürtler. Yani Kürt kadınları Kürtlerin yeni bir döneme başlamasına vesile oldu. Cins bilinci aldılar ve bu yüzden büyük bir saldırı var. C'est pourquoi les femmes sont particulièrement visées par le gouvernement. Mais elles y opposent une grande résistance. Alors que tout le monde aujourd'hui a peur de tout, dans les rues, il y a encore les mères de la paix et les mères du samedi. Toutes les semaines, elles se rassemblent sur une place. C'est très important et il n'y a pas beaucoup d'hommes. Dans les prisons, on trouve surtout des femmes. Et ce sont encore les femmes qui sont les plus victimes d'assassinats. Naz, tu sais qu'au moment de l'annonce de sa condamnation, la voix de Ménal résonnait dans les couloirs du palais de justice. L'oppression ne nous intimidera pas. Ménal a été torturée par les militaires. Elle a été incarcérée à la prison d'Ahmed, puis transférée de force à Tarsus. Elle a une telle voix, Ménal. Elle fait naître des vents dans le cœur de toutes les prisonnières qui l'entendent. Elle capte chacune avec ses mélodies. Elle nous emporte sur ces terres détruites pour que nous y semions ensemble les graines de la liberté. Ce n'est pas pour rien qu'une enquête disciplinaire est entreprise chaque fois que Ménal chante. Aujourd'hui, elle est en grève de la faim. Elle fond de jour en jour. De son cœur qui bat encore dans son corps affaibli, elle fait ruisseler des chants révolutionnaires. Les entendez-vous ? À la fin de 2011, les services d'enseignement s'en allaient à ma ville, la ville de mon père, et s'en allaient chez mon père. Ils m'ont battu, ils ont frappé mon père. Mon oncle a trouvé un moyen pour m'informer à ce qui s'est passé afin que je fasse attention. Je suis allé à Damas avec une fausse carte d'identité où je me suis caché pendant 3 mois. En attendant, la situation va changer. Et en mois de février 2012, j'avais un ami qui était arrêté par un des services de renseignement en Syrie qui sont vraiment le plus dangereux. Il m'a transformé un message et il m'a dit « il faut que tu quittes la Syrie ». J'ai décidé de partir dans des conditions comme ça. C'est pas du tout une décision facile à prendre. Et j'ai contacté quelqu'un dans le sud de la Syrie. C'est lui qui a organisé mon voyage parce qu'on travaille avec des trafiquants qui sont engagés dans la révolution, qui connaissent des chemins secrets. Donc, ils m'ont amené de Damas à Daraa, dans le sud de la Syrie, ensuite dans un village qui s'appelle Nasib. Et ensuite, j'ai traversé les frontières à pied jusqu'à Jordanie. Et dès que je suis sorti, dès qu'ils m'ont relâché, j'ai commandé l'asile politique de l'ambassade française. Un poème pour mon père. Sur les nuages des pages, sois-en sûr. La foudre de ma pomme et mon visage pleuvent sur le monde. Il ne me manque que le reste de ton ciel, Père. Des continents me traversent et je cherche toujours le tintement de tes clés. Le parfum des pierres te devance sur le chemin du marché, et sur l'horizon de mon attente s'entassent les registres des mutilés. Alors la virilité crie dans ma gorge et je suis désormais mon propre père. Je rêvais toujours en arabe en 2014 et j'écrivais en arabe. Mais depuis quand j'ai commencé de rêver en français, j'écrivais plus sur la France. Le pays qui nous a sauvés, enfin, il devient notre pays. Ça, la France est mon pays aujourd'hui. Je pense, si je reviendrai, c'est seulement pour voir ma mère, c'est pas pour vivre en Syrie. Ce qu'il représente, la Syrie aujourd'hui, c'est aussi ma mère, c'est tout. Parce que la géographie syrienne a changé, le quartier où j'étais éduqué n'existe plus, c'est des ruines. Tous mes amis en Syrie sont plus là, soit ils ont été tués ou emprisonnés ou sont partout dans le monde entier. La Syrie d'hier n'existe plus. Elle subit aujourd'hui de plusieurs occupations russes, iraniennes, turques. Et du coup, c'est ma mère qui représente la Syrie aujourd'hui. Et la Syrie qui représente ma mère. C'est la seule chose. Comment je vis ça, c'est évidemment douloureux, difficile. Mais je garde toujours l'espoir parce que c'est et la joie de la vie. Pourquoi ? Parce que c'est la seule manière pour garder la résistance. À chaque fois qu'un miroir m'aperçoit, les ombres me kidnappent. Ton souffle m'envahit et le gamin que je suis dort une fois encore sur la poitrine du matin. Sous ta main humide comme un toit pour mon hiver, je hennissais vers le désert de la vérité. Ainsi, quand tu ne seras plus père, je te reconnaîtrai. Les enfants ? خب این خونه ما بود توجه بچه هست دلمی بستی از دیزان فا ایسی تیو سا؟ چیزه، لور میزان عبادن عبادن، آمیوان ایسون پرتی اوی تری پو دو شوز جیمجین کس کی زون پیو گارده Mohamed a ramené 4 grandes valises de livres et je me demande encore comment on a pu les emporter avec nous jusqu'ici. J'ai encore mal au cou parfois. On n'a pas réussi à emporter beaucoup de choses, de souvenirs, parce qu'on avait pris beaucoup trop de livres. On est parti si précipitamment. Si je veux parler de l'exil comme un citoyen, je dirais les mêmes choses que les autres exilés. Mais si je parle en tant que poète, mon point de vue sera différent. Le rôle même de la langue est d'établir un lien entre les êtres. Mais ici, elle est devenue un outil de séparation. و درست ما داریم تلاش میکنیم فرانسه یاد بگیریم ولی فرانسوی هیچ وقت زبان مادری ما نیست. J'essaie d'apprendre le français et je ne pourrai jamais écrire des poèmes dans cette langue. اون احاطه‌ای که دارم روی زبان مادریم خب طبیعتاً روی زبان Car je ne la maîtriserai jamais comme je maîtrise ma langue maternelle. پس زبان اینجا برای من دلیل Si elle est la cause d'une grande solitude pour les autres exilés, la langue constitue pour moi une sorte de double peine parce qu'elle est aussi mon outil de travail en tant que poète. Je ne peux pas atteindre l'Iran, même si je peux écrire autant que je veux. Les réseaux sociaux apportent davantage de proximité, mais à quoi cela sert-il ? Je peux écrire un poème et le publier sur Instagram ou Facebook. Et si tu ne peux pas ressentir ton pays, si tu ne peux pas toucher sa terre, à quoi cela peut-il servir ? Oublié dans les abîmes de l'abattoir, entonnant ma dernière mélopée, tel un serin accablé, ainsi, je vais à la rencontre de mes amis. Soit, que l'amour attise ma douleur. Moi, les phrases confuses, hachées, menu, moi les mots orphelins comme endoloris, moi les paroles prononcées et conduites à l'aube, un par un, avec ma salive, je les déglutis. Moi les poèmes jamais découverts, jamais récités, moi les idées cristallines évaporées par la fièvre, moi la suffocation du poète atteignant ce bord, je les ai brûlés, à présent plus accomplis. Je les ai brûlés et les larmes de la femme coulent encore. Elle pleure les yeux rouges gorgés de boue, à l'extérieur du cadre, les larmes d'un apatride. L'odeur fétide de la boue ne m'a toujours pas quittée. Naz, chère femme aux cheveux rouges, le temps que cette lettre t'atteigne, je serai libérée. Sortir d'ici sera très difficile. Je vais ressentir le manque de mes amis. Zera, quand tu seras dehors, continue de parler de nous avec tes dessins, me disent-elles. Laisser mes amis derrière moi est une douleur. À quoi bon être libre si nous ne le sommes pas toutes? Je te remercie pour tout. Zera. Je ne me sens pas comme une exilée parce que je peux rentrer en Turquie. Mais il n'est pas envisageable pour moi de me taire. Il y a les agressions, les illégalités qui se poursuivent. En tant qu'artiste qui vit dans ce pays, en tant que journaliste, le fait de faire semblant de ne pas voir tout cela voudrait dire de ne pas exercer son travail. Ce serait comme mettre un terme à sa propre vie. Je continue de parler, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Je tiens les mêmes propos. Le gouvernement turc sait cela. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je ne crois pas que cela soit une erreur. Pour moi, la terre entière est une prison. En tant qu'ancienne prisonnière, je ne vois pas beaucoup de différence entre l'extérieur et l'intérieur. En prison, tu ne peux pas manger ce que tu veux, dormir où tu veux, voir les personnes que tu aimes, mais à l'extérieur non plus. Et tu ne peux pas passer du temps avec elles comme tu le voudrais. Il n'y a rien d'autre à faire que de continuer à s'exprimer librement. Geçiremiyorsun. Yapabilecek bir şey yok. Alors, il y a un peu de tout là. Voilà, ça c'était fin 72. Donc avec les prisonniers qui avaient fait la grève de la faim, il est là, toujours barbu. Oui. Donc ils ont été tous accusés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Voilà, bon, une photo prise à l'hôpital d'un... J'ai pu être hospitalisé. Abdelatif Labi, 78 ans, détenu entre 1972 et 1980 dans les prisons marocaines. Nous avons cette photo. En 65, on a eu ce grand garçon qui est là en visite à l'hôpital. En 66, on a eu cette grande fille qu'on voit sur la photo. Et en 72, on a eu la plus petite qui est née un mois après l'arrestation de Abdelatif. Voilà. Donc, elle a toujours connu son père en prison jusqu'à ses 8 ans et demi. Elle s'appelle Kots. Kots. Lettre à sa femme Jocelyne. Donc, c'est une lettre du 3 août 1975, au moins 3 ans après mon incarcération. Ma femme aimée, plus d'une semaine sans te lire, c'est frustrant. Je vais gueuler demain au sujet de cette lettre de l'avant-dernier vendredi que je n'ai pas encore reçue. Aujourd'hui, un dimanche, je ne me suis promené qu'en fin d'après-midi. J'aime redécouvrir le ciel chaque fois. On serait tenté de reprendre à son compte la belle exclamation « Homme libre, toujours tu chériras la mer » et de mettre à la place de la mer le ciel. J'en suis arrivé à ce point où je ne me rends plus compte que... peu de l'exiguïté de ma cellule. Aussi j'habite d'autres lieux que n'atteint pas la nuit barbare. Irrépressibles sont mes rêves, les idées qui les fondent, l'amour qui en est le feu sacré. Si je ne m'étonne plus de me trouver là, d'être encerclé de silence, de me réveiller la nuit et de ne pas trouver ta main, de voir un mur arrêter ma marche, c'est que je n'appartiens plus à mes geôliers. C'est que ma présence est plus forte, là où l'histoire avance, là où les espoirs se lèvent. Ben c'était, quand j'ai réfléchi comme ça, après coup, avec longue distance, en quelque sorte, je trouve que c'était le creuset de ma littérature. C'est-à-dire, je me vengeais en écrivant ces lettres de tous les poèmes, de tous les textes que je ne pouvais pas écrire. Ces lettres étaient le creuset de mon écriture. Je vivais au rythme de ces lettres. Il était très régulier dans ces lettres. Moi, je l'étais moins. C'était lourd. Mais en même temps, c'était des années magnifiques. On en parle de temps en temps et on se dit que c'est parmi les années les plus fortes et les plus riches. Les plus intenses. Oui, de notre vie. Parce que là, on a vécu, on a lutté, on a aimé, on a... C'était vraiment très fort. Oui, parce que tout est exacerbé dans une situation comme celle-là. C'est-à-dire, pourquoi on nous, certains régimes, certains systèmes vous mettent en prison? C'est pour vous briser, pour vous amener à devenir un, ce qu'on appelle un béni oui-oui, dire oui au lieu de dire non, justement à ce système-là. Et donc, c'est des enjeux énormes qui se passent dans un huis clos, sans témoin. C'est entre soi et soi-même. Parfois, on a une étrange nostalgie, enfin, une chose aberrante, d'avoir la nostalgie d'une situation limite, mais dans laquelle on a senti qu'on a touché du doigt des choses essentielles, des raisons d'être et de vivre. Quand je compare moi-même les écrits du premier recueil de poésie intitulé « Le règne de barbarie », là où il y a une explosion, j'allais dire, du soi, enfin, il y a une distorsion de la langue, il y a une quête effrénée, j'allais dire, du renouvellement de la langue, tout cela. Dans ce que j'ai écrit en prison, c'est des textes beaucoup plus limpides. C'est comme si j'avais besoin de parler au maximum de gens, d'être compris immédiatement. Ce qui fait que, effectivement, c'est des textes d'une facture beaucoup plus classique, je dirais, beaucoup plus simple. Ce matin, après une longue claustration, on m'a permis de faire la promenade. 15 minutes. Un fonctionnaire, entre guillemets, gardait la grille. À l'autre bout de mon terrain de parcours, un autre, le fusil en bandoulière. Tout cela en l'honneur d'un homme malade, épuisé par 15 jours de grève de la faim. Mais ça ne me fait plus rien d'être regardé comme un fauve, ruminant de sombres cavales, et dont il faut se méfier du moindre geste anodin. Il y avait un soleil à faire perdre la tête. Le ciel était bleu, bleu. Je ne savais plus où donner de la tête en regardant là-haut. Alors j'ai fermé les yeux. Et je me suis baigné la face et les mains dans ces troublantes noces des éléments. Puis mon cœur s'est mis à battre à son rythme naturel, celui du cours régulier de l'espoir. Les tyrans lisent aussi les poètes, avec Jocelyne Labi et Hélène Amblès, les poètes Zera Dogan, Abdelatif Labi, Omar Youssef Souleyman et Mohamed Bam, et les voix d'Ornella Kalonji et Saul Pérez. Merci à Andreas Becker et au Pen Club français, au réseau international Icorn, à la ville de Poitiers, ainsi qu'à Dilnou Reyan et Adama Diané. Traduction Naz Ok et Bei Janati Atai. Lecture Sarah Chaumette. Prise de son Olivia Branger. Archivina Marie Chauveau. Documentaliste Anne-Lise Signoret et Antoine Vulloz. Mixage Bernard Laniel. Coordination Perrine Kervran, Marivona Bolivier et Mathias Mégy. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Anne Pérez.